إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن من حكمة الرب جل جلاله أن فاوت بين عباده في أخلاقهم وأرزاقهم، فبسط لبعض الرزق وجعل بعضا أقل من ذلك، وهو سبحانه وتعالى الحكيم العليم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي ليس كل من وسعنا عليه دليلا على الحب له، ولا كل من ضيقنا عليه دليلا على بغضنا له، لكنها الدنيا يعطيها الله لبعض عباده ويحرمها بعض عباده، وله سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك. والله عز وجل غرس في النفوس حب المال، وتحبون المال حبا جما. هذا المال نعمة عند قوم وبلاء على قوم. نعمة في حق من أخذ المال بحقه وصرفه في حقه، علم أن لله حقا في هذا المال فأدى هذا الحق أداء كاملا، وكان هذا المال سبيلا لصلاحه واستقامة حاله ومنافسته في صالح العمل. وآخرون صار المال في حقهم سببا لطغيانهم وبطرهم واغترارهم بأنفسهم، فمنعوا حق الله الواجب في المال فلم يؤدوا حق المال، بل صار المال سببا لعذابهم، كما قال عز من قائل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Sachez, chers musulmans et musulmanes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, a différencié ses serviteurs dans la pourvoyance. Il a élargi pour certains leur pourvoyance et pour d'autres il l'a restreinte. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le tout sage et celui qui est connaisseur de toutes choses. Il dit subhanahu wa ta'ala, dit mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint la pourvoyance à qui il veut, mais la plupart des gens ne savent pas. Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé certaines personnes par leurs biens, en leur donnant des biens en grande quantité. Et il a éprouvé d'autres personnes en restreignant leurs biens. Il dit subhanahu wa ta'ala, quant à l'homme, Lorsque son Seigneur l'éprouve, en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit, c'est-à-dire cet être humain, mon Seigneur m'a honoré. Mais par contre, quand il l'éprouve, en lui restreignant sa subsistance, il dit, mon Seigneur m'a avili, mon Seigneur m'a humilié. Et Allah Azzawajal dit, mais non, non. Celui à qui Allah Azzawajal a donné une grande pourvoyance, cela n'est pas forcément une marque ou une preuve qu'il est aimé chez Allah subhanahu wa ta'ala. De même que celui qui est pauvre et qui n'a pas beaucoup d'argent, qui n'a pas en sa possession grand chose, cela n'est pas une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala le déteste. Mais cette vie d'ici-bas est une épreuve. Ainsi Allah azza wa jal donne à qui il veut et il prive qui il veut. Et tout ceci de par sa sagesse subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal a également inculqué l'amour de la richesse dans nos cœurs. Il dit subhanahu wa ta'ala, et vous aimez la richesse d'un amour immense. Ces biens peuvent être un bienfait chez certaines personnes, mais elles peuvent être aussi une preuve contre d'autres personnes. Les biens que tu as en ta possession sont un bienfait sur toi si tu donnes les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces biens. Et si tu utilises ces biens dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi celui qui agit de cette façon, eh bien en donnant les droits d'Allah azawajal dans ses biens et en utilisant ses biens dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors son bien, ses biens, son argent seront une cause qui l'amèneront à être vertueux, qui lui permettront de rester sur le droit chemin et qui lui permettront également de concurrencer les autres dans les bonnes œuvres. Quant à d'autres personnes qui ont des biens, mais qui ne donnent pas le droit d'Allah sur ceci, eh bien ces biens ne seront qu'une cause de leur déviance, ne seront qu'une cause du fait qu'ils soient dupés par cette richesse éphémère, en ne donnant pas le droit d'Allah sur cet argent, et en l'utilisant dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, cet argent et ces biens seront au final une cause, la cause de son châtiment, wal'iyadu billah. Ainsi Allah Azza wa Jal a exhorté son prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, subhanahu wa ta'ala, en parlant des biens, des mécréants et des hypocrites, que leurs biens et leurs enfants ne t'émerveillent point. Allah ne veut par là que les châtier dans cette vie présente. Ayyuhal muslimoun, إن الله جل وعلا أوجب على الأغنياء حقا في أموالهم للفقراء والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم أوجب على الأغنياء في أموالهم حقا لإخوانهم الفقراء ليواسوهم بذلك وجعل هذا أي الزكاة ركنا من أركان الإسلام فإن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم رواه البخاري وفي الحديث فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ونصوص الكتاب والسنة الدالة على ركنية الزكاة وأهميتها كثيرة قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فالزكاة أيها المسلمون قرينة الصلاة وهي فرض وحق في الإسلام لنفع الفقير، حق وفرض في الإبل والبقر والمعز والضأن والذهب والفضة وما يقوم مقامها من العملات المتداولة، وفي الخارج من الأرض من الثمار وفي عروض التجارة، إذا بلغ كل ذلك نصابا على ما هو مفصل في الأحاديث النبوية الصحيحة. ثم اعلموا أيها المسلمون أن الزكاة ابتلاء وامتحان يبتلي الله بها الأغنياء، فالصادق في إيمانه ينجو من ذلك البلاء بإخراج زكاة ماله، طيبة بها نفسه، موقنا بوجوبها، معتقدا ذلك، يؤديها طاعة لله وشكرا لله على فضله ونعمائه. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فيأمر الله عز وجل في هذه الآية نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقبض الزكاة من أموال الأغنياء، خذ من أموالهم صدقة، وبين الله حكمته منها بقوله: تطهرهم وتزكيهم بها. إذن فالزكاة طهارة للمزكي، تطهر قلبه من داء الشح والبخل، وإنها لتطهر المال من أوساخه وأدناسه، ولا يطهره من أدناسه وأوساخه إلا الزكاة إذا أخرجت، وهي أيضا زكاة للقلب، فيقوى بإخراجها الإيمان، لأن مخرجها قد تغلب على نزغات الهوى ومشتهيات النفس ووساوس الشيطان، فهو أخرجه طاعة لله مغرما أنفع عدو الله الشيطان، كما أخبر بذلك الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وإنها لتزكي ماله، فمال أخرجت زكاته مال ينمو وينزل الله عز وجل فيه البركة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وما نقص مال من صدقة، بل الصدقة والزكاة تزيد في المال وتزيده، كما قال الله عز وجل في سورة الروم: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. Sachez, chers musulmans et musulmanes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux riches de donner une part de leur argent destiné aux pauvres, comme il le dit subhanahu wa ta'ala, et sur les biens desquels il y a un droit bien déterminé, c'est-à-dire la zakat. Allah azza wa jal a ordonné aux pauvres de donner la zakat, a ordonné aux riches de donner la zakat aux pauvres, à leurs frères pauvres, afin d'éprouver envers eux de la compassion, afin de les aider dans leur détresse et dans leur nécessité. Et Allah azza wa jal a fait de la zakat un pilier parmi les piliers de l'islam. La zakat, chers musulmans et musulmanes, est le troisième pilier sur lequel repose l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'islam repose sur cinq piliers: l'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée qu'Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, de jeûner le ramadan et d'accomplir le pèlerinage de la maison sacrée. Et selon Abu Ayyub radiallahu anhu, il dit qu'un homme est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: « Ô envoyé d'Allah, informe-moi d'un acte qui me fera entrer au paradis. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'adorer Allah et de ne rien lui associer, d'accomplir la prière, de donner la zakat et de nouer les liens de parenté, rapporté par Al-Bukhari. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'ad ibn Jabal au Yémen, il lui a dit, après lui avoir dicté et lui avoir demandé d'ordonner les gens dans lesquels il allait rejoindre les gens qu'il allait rejoindre, qui font partie des chrétiens, après leur avoir ordonné d'adorer Allah Azzawajal seul, et de ne rien lui associer, et d'accomplir la prière. Le prophète Azzawajal lui a dit, puis informe-les qu'Allah Azzawajal a ordonné une aumône qui est prise de leurs riches et qui est donnée à leurs pauvres. Et les textes dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montrent l'obligation de la zakat et qui appuient son caractère, le fait que ce soit un pilier, sont extrêmement nombreux. Parmi ces versets, la parole d'Allah azawajal, et il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah seul en lui vouant un culte exclusif et d'accomplir la prière et de donner la zakat. Et voici la religion de la droiture. Et sachez, chers musulmans et musulmanes, que la zakat va de pair avec la prière. Et c'est une obligation, c'est un droit qu'il y a dans celui ou pour celui qui possède des chameaux, des vaches, celui qui possède des ovins, celui qui possède de l'argent ou de l'or, ou tout ce qui a leur valeur en monnaie, tout ce qui sort de la terre parmi les cultures, lorsqu'ils atteignent un seuil bien déterminé dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez également que la zakat est une épreuve, que c'est un examen, que c'est un test, par lequel Allah subhanahu wa ta'ala éprouve les riches. Ainsi, celui qui est véridique dans sa foi et qui arrive à surmonter cette épreuve en donnant la zakat de son argent, le cœur ouvert, en étant persuadé de son obligation et en la donnant en obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et en guise de reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala, de par tous les bienfaits dont il a comblé subhanahu wa ta'ala. Et Allah azawajal a dit à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les bénis et prie pour eux, c'est-à-dire invoque en leur faveur ta prière, c'est-à-dire ton invocation est une quiétude pour eux, et Allah est celui qui entend tout et qui est connaissance de toutes choses. Dans ce verset, Allah Azzawajal a ordonné son prophète sallallahu alayhi wa sallam de prendre la zakat des musulmans, de prendre la zakat des riches parmi les musulmans. Prélève de leurs biens une sadaqa. Et Allah Azzawajal a ensuite expliqué et explicité la sagesse de cela afin de les purifier. Tuzakihim biha. Tu les purifies et les bénis. La zakat est donc une purification. La zakat purifie le cœur du musulman contre la maladie de l'avarice. Et la zakat purifie l'argent du musulman, car l'argent qu'il reste est un argent qui est sali, un argent qui a besoin d'être purifié, et il ne peut être purifié que par la zakat lorsqu'elle est donnée. La zakat est également une purification du cœur. Elle fait augmenter la foi, et celui qui donne la zakat, le musulman qui a donné la zakat, est un musulman qui a surmonté ses passions, un musulman qui a fait prévaloir l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'obéissance de ses passions et des futilités de cette vie d'ici-bas. Et celui qui donne la zakat a également vaincu le diable et les insufflations de celui-ci, car le diable, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, le diable vous fait craindre la pauvreté. Le diable est toujours à tes trousses, chers musulmans et musulmanes, pour t'inciter à donner le moins de ton argent, et il te fait craindre la pauvreté. Il te fait craindre la pauvreté lorsque devant toi, il y a une occasion qui s'ouvre pour donner de ton argent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le diable est là pour mettre en toi des ambiguïtés lorsque le rendez-vous de la zakat arrive, pour te faire craindre la pauvreté. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le même verset, tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de lui, la grâce d'Allah est immense et c'est lui qui est connaisseur de toutes choses. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ثم اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن صاحب المال إذا لم يؤدي زكاته صار عذابا له ووبالا عليه في الدنيا والآخرة فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها أي لا يؤدي منها زكاتها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أي بردت تلكم الصحائف أعيدت له أي أعيدت في النار في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله أو فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها يعني زكاتها ومن حقها حلبها يوم وردها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أي بأرض مستوية واسعة أو فر ما كانت أي تلكم الإبل تكون أكثر عددا وأكثر سمنا وأقوى قوة لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليها أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالبقر والغنم قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا حلجاء ولا غضباء تنطحه بقرونها وتطأه بأظلالها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى النار إما إلى الجنة وإما إلى النار Et sachez, chers musulmans et musulmanes, que celui qui ne donne pas de sa zakat, eh bien sa zakat sera pour lui un châtiment et ce sera pour lui des remords dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Ce sera pour lui des remords dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari, rapporté par Muslim dans son sahih, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et quant à celui qui possède de l'or et de l'argent, et qui ne donne pas de son droit, eh bien le jour du jugement, des plaques de feu qui seront chauffées dans le feu de l'enfer. Puis ces plaques seront appliquées sur son front, sur ses flancs et sur son dos. Et à chaque fois que ces plaques seront refroidies, eh bien elles seront réchauffées une nouvelle fois sur le feu de l'enfer. Et ceci dans un jour dont la durée est de 50,000 ans, jusqu'à ce qu'Allah Azzawajal juge entre ses serviteurs, et cette personne verra alors sa destinée, soit elle sera au paradis, ou soit elle sera en enfer. Et toute personne qui avait en sa possession des chameaux, en ne donnant pas de la zakat, eh bien, le jour du jugement. Ces chamelles et ces chameaux seront apportés dans une terre vaste et plate. Et les chameaux qui seront apportés seront en plus grande quantité que ceux qu'il avait en sa possession. Ils seront plus garnis et ils auront une force plus grande. Rien ne sera délaissé, même pas un chamelet. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ces chameaux écraseront avec leurs sabots cette personne et la mordront également. Et lorsque le dernier des chameaux sera passé sur lui, eh bien le premier reviendra. Tout ceci dans un jour dont la durée est de 50 000 ans, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala juge entre ses serviteurs et que ce serviteur voit sa destinée soit au paradis ou soit en enfer. Ils ont dit, oh, envoyé d'Allah, et les vaches et les ovins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et toute personne qui avait des vaches et des ovins et qui n'a pas donné la zakat sur ceci, eh bien le jour du jugement, ceci, c'est-à-dire ces vaches et ces ovins seront apportés dans une terre vaste et rectiligne, rien ne sera oublié. Ni ceux qui avaient des cornes, ni ceux qui n'en avaient pas, ni ceux qui avaient les cornes cassées, elles le piétineront et le frapperont avec leurs cornes et le piétineront avec leurs sabots. Et lorsque le dernier passera dessus, le premier reviendront une nouvelle fois. Et tout ceci dans un jour dont la durée est de 50 000 ans, jusqu'à ce qu'Allah juge entre ses serviteurs et que ce serviteur voit sa destinée soit au paradis, soit en enfer. Hadith authentique rapporté par Muslim dans son Sahih. Regardez, chers musulmans et musulmanes, comme ce châtiment est immense, comme ce châtiment est effrayant pour ceux qui ont des cœurs croyants. وروى البخاري عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامه شجاعا اقرع اي ثعلب كبير اقرع اي ليس على راسه شعر لكثره سمه له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بخديه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Et البخاري rapporte selon أبو هريرة رضي الله عنه. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui à qui Allah azawajal a donné des biens, sans qu'il n'ait pour autant donné la zakat, eh bien, le jour du jugement, ces biens viendront sous la forme d'un immense serpent, à la tête lisse. Et les savants disent que ce serpent aura la tête lisse, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de poils sur sa tête, car son venin est en grande quantité et extrêmement nocif. Il aura au-dessus de ses yeux deux taches noires. Il entourera le cou de cette personne le jour du jugement. Puis il le mordra sur ses deux joues. Puis il dira, c'est-à-dire le serpent, « Je suis ton argent, je suis ce que tu as gardé et ce que tu as amassé. » Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu la parole d'Allah azawajal et que ne pense pas ceux qui sont avares envers ce qu'Allah azawajal leur a donné comme bienfait, qui ne pensent pas que cela est meilleur pour eux. Bien au contraire, cela est pire pour eux. Ceux qui n'ont pas donné par avarice sera attaché à leur cou le jour du jugement. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Wa nas'alullah azawajal أن يجعلنا من الذين يؤدون الزكاة اللهم اجعلنا من أهل الزكاة، اللهم لا تجعلنا من البخلاء، اللهم إنا نعوذ بك من البخل، اللهم إنا نعوذ بك من البخل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.